Difficile de caser une lecture dans votre emploi du temps? Avec le livre audio, c'est possible. Pendant votre trajet quotidien ou avant de vous endormir, plongez dans un livre audio avec Audible. Audible, c'est une appli qui permet d'écouter des livres audio et aussi des podcasts sur votre smartphone. Des coachings audio aux fictions sonores, explorez notre catalogue. N'attendez plus. Téléchargez l'appli Audible et vibrez au son des livres. C'est l'heure de retrouver Franck Ferrand aujourd'hui dans l'histoire. Bonjour Franck. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Quel 6 mars avez-vous choisi? D'après vous, le 6 mars 1429, je vous emmène à Chinon bien sûr, où Jeanne la Pucelle, notre Jeanne d'Arc, est venue à la rencontre du futur roi Charles VII. Vous connaissez son histoire, Jeanne est une jeune fille de Don Rémy dans le duché de Bar, et non pas en Lorraine, hein, contrairement à ce qu'on dit parfois. À 13 ans, elle a eu des visions et non pas des voix, comme on le dit également. Ses conseils, comme elle les appelle elle-même, sont Saint-Michel, Sainte-Catherine et Sainte-Marguerite. Alors, ses conseils, en l'occurrence, lui disent de bouter l'anglais hors de France. Oui, si nous sommes. Mes souvenirs sont bons. Exactement. Nous sommes dans la dernière phase de la guerre de Cent Ans. La France est occupée pour partie par les Anglais, pour partie par les Bourguignons. Le duc de Bedford a mis le siège devant Orléans. Il veut pousser ensuite jusqu'à Bourges. L'héritier légitime Charles donc s'est réfugié à Chinon. Jeanne, pendant ce temps, est allée trouver le capitaine de Vaucouleurs, Baudricourt, au plus près de son village. Elle le supplie de la conduire jusqu'au gentil dauphin, comme elle dit, ou de lui fournir une escorte, ce qu'il va finir par accepter après toutes sortes de rebondissements. Ça ne s'est pas fait aussi facilement. Baudricourt envoie à la cour cette petite paysanne qui se croit élue de Dieu. Oui, alors il faut quand même vous dire que dans l'ombre s'activent des gens puissants qui soutiennent Jeanne, à commencer par la belle-mère du dauphin Charles, Yolande d'Aragon. La situation désespérée rend toutes les solutions bonnes à examiner. Jeanne arrive donc à Chinon ce 6 mars 1429. Alors est-ce que, comme on le dit, elle a retrouvé le dauphin toute seule dans la foule? En fait, la réalité semble plus complexe. Ce qui est sûr, c'est que les mots qu'elle lui adresse en privé vont bouleverser le dauphin, le convaincre. Et après quelques examens complémentaires, Jeanne aura son armée pour aller libérer Orléans, pour ouvrir au futur roi la route de Reims et du Sacre. Le 17 juillet, Charles sera donc sacré en présence de Jeanne d'Arc, bien entendu. Franck, on vous retrouve tout à l'heure, 14h sur Europe 1. Alors, on va parler d'un autre roi Charles, Charles VIII, et également de son successeur Louis XII. Nous les suivrons sur les routes de l'Italie en guerre.